DJ Jock, Donny Donzo, Balafro Mike. Juste une cicatrice de plus. Ah. T'étonnes pas de finir balafrise, tu ramènes ta fraise. Ton tartin de mousse dans la ville roche des balafraises. Qu'on est presque aussi con qu'au départ. Loin d'être aussi bon qu'au départ. On se parle pas vu qu'on se connaît pas. Avance à tâtons sur chemin escarpé en tongue. Gros coup de vent en tangue, de plus ou moins où on tombe. Mental instable, cœur costaud, à l'hosto pour rester en top. Rumeur et raconte non-stop, ta cicatrice en stock. Y'a plus de charme, rien que des chiens et des chats. Plus de logique, plus d'éthique, rien que des CV, des sectes. Des victimes, des coupables, hypocrites et coubas. Des coups de pub, des coups de pute et d'acré quand le coup part. Tout part, c'est la même merde, tu sens mauvaise mène. Le monde est crade comme un couple qui a la même mère. Pas la fromage qui me jette des bouteilles ou des tomates. Ce sont, je les ferme mal et je les laisse tout trop mal. C'est juste une cicatrice de plus. Juste une cicatrice de plus. C'est juste une cicatrice de plus. Comme d'hab, j'y laisse quelques plus. C'est juste une cicatrice de plus. Juste une cicatrice de plus. C'est juste une cicatrice de plus. Et je me cherche plus d'excuses. Estompé, je m'accroche à ce qui me reste de rêve. Règle numéro uno dans la vie, y'a pas de règle. Tant que je serai pas d'aide, aucune chance que je me tais. Je demanderai pas d'aide, je dois rien à personne, je peux pas tester. Me suis fait seul comme ce genre où j'ai mangé le sol. Ma vie est sale, ne nous demande pas pourquoi on saoule. Pourquoi on saoule avec nos thèmes, on fout le souk avec nos textes. Dans ta soirée bien pensante, on fout la merde avec nos têtes. Tu peux noter mon nom sur ta liste. Donne ça au totalise, autant de bon sang que de cicatrices. Alors quand j'arrive, pousse-toi vite, bouge ta graisse, bouge ta graisse. Spécimen de mauvaises graines, où j'ai des regrets, je me bourre la gueule comme un punk à crête. Crée des couplets. Depuis l'époque t'as crié sur les doigts. Mais t'as cru quoi, je suis là et je vais le crier sur tous les toits. Mais tu m'as saoulé toi, lui et puis tous les autres. Pour m'arrêter faudra me buter ou briser tous les os. C'est juste une cicatrice de plus. Juste une cicatrice de plus. C'est juste une cicatrice de plus. Comme d'hab j'y laisse quelques plus. C'est juste une cicatrice de plus. Juste une cicatrice de plus. C'est juste une cicatrice de plus. Et je me cherche plus d'excuses. C'est juste une cicatrice de plus sur mon crâne rasé. Je porte de plus écrasé et je renouvelle le phrasé. Mais c'est pas, tu mets pas de courir plus vite que les balles. J'ai la saleur long débat et mes balles je déballe. Sortie de bar, 2h du mat et j'en ai marre de tout. Saleté dans le tour, non je te gère à pas de doute. Y'a plus d'excuses en bois pour justifier mes balafres. Quand je suis pas à la hauteur, comme si j'étais pas là. Absent comme à l'école, j'ai regardé les trains passer. Fracassé, toujours pour des trucs à la constra cassé. Les cicatrices sont là, je vais avec s'embrasser du vent. Ça vient du bas-vent, t'as garanti sous le chaise avant. J'invente pas, fais l'inventaire de mes aventures. Dans la vie avant-ti, malgré pas la sur la devanture. Ouais, y'aura pas de retraite, je craindrai avant l'arthrite. Cardi dans la vie d'artiste, candidat à la psychiatrie. C'est juste une cicatrice de plus. Juste une cicatrice de plus. C'est juste une cicatrice de plus. Comme d'hab, j'y laisse quelques plus. C'est juste une cicatrice de plus. Juste une cicatrice de plus. C'est juste une cicatrice de plus. Et je me cherche plus d'excuses. Plus d'excuses. Ouais, c'est Donzo, toujours osé, rappé, bien dosé. J'suis venu poser avant que la vie mette un panneau d'OZ. Poseur de bim sur son, j'rigole de leur compression. Pas de son, tout tes son, dans la face et tout est sombre. Du sang siffé, des vieilles larmes sur des coins de table. Pointe au cœur, pointe au côte, car les points tapent. Des pintades pour oublier l'amour, son coup d'âme. Schizo comme un monde avec un flingue sous la soudane. Soulard, soudard, tout pas frais de l'intérieur. En première ligne du rap FR, ça peut tirer ailleurs. Si je me tire ailleurs, l'un des histoires est dit qui jacte. J'ai un petit lui chanter au clair d'allume par un jack. L'after carjacking, c'est seul sous cet arrêt de bus. Boom, tac, tac, juste une cicatrice de plus. La vie nous met des stops, qu'on octe pas la faute tout genre. Trop tigeant, trop tangent, cerveau qui prend la tangente. DJ Jock, Donny Donzo, Balafro Mike. Studio rime, chante. Le corps décoré par la vie balafré. Moi j'écris à la fraîche sur une flèche enclenchée.